J'irai chercher le bonheur où ça me chante. Quitte à faire une grosse estampe, mais le braquage me tente. Hante mes nuits, braquer une arme sur une tente. Appuierai-je sur la détente, là est la question. Enlèverai-je la vie d'un père de famille qui a sa femme cancéreuse. Descendrai-je cette femme, merde de mort, haut comme trois pommes. Et d'un père qui s'est tiré, oserais-je tirer sur un gosse plutôt que personne. Innocente à mon malheur, sous prétexte que ce coup de feu me rapporterait des millions. Une seconde, sans avoir une seconde derrière moi, au fond de ma mémoire. Que je sois respecté de tous ces rues, fan de tous ces mômes. Parce que j'ai ôté la vie à un homme, putain, ma main se crispe. Salut au diable, mais le cœur ne suit pas, je sais pas, je sais plus. Ici je suis intrus, comme un Polonais à Jonathan. Comme un Palestinien à Jérusalem, je suis le mauvais. Comme un homme armé d'une bombe en plein Washington. Et si ça pète, c'est Hiroshima, je veux être riche, mais pas qui t'enlever la vie des innocents. Mais pas de sang dans les mains, c'est crime de la conscience. Une cavale pour chaque lendemain, non. J'ai de vent, on sait ton revolver, je reste un tueur de mots. Putain, pas un tueur de mots, mais chaque meurtre est un tueur de trop. Un humain de moins, une victime de plus, un dealer en moins, une bavure de plus, pour un connard en moins, un décimé de plus, c'est une maman qui pleure, c'est un offreur en moins, un défunt de plus, un salaire qui monte, une médaille de plus. Et je fais de mon quotidien les cris, les drames, les larmes. Tout ça, ça fait le refrain de ma vie, le refrain de nos vies. Ça fait qu'un refrain de plus sur mon répertoire. J'ai de faim, recèle ton revolver, je reste un tueur de mots. Est-ce que j'irai jusqu'à vendre la cocaïne? Les sauces respecter la famille me haïne. Les longues canines, t'inquiète Gary. Dans leur poche, y'a plein de paquets imbibés de ma salive. De moi de cloques et j'esquive aux Maldives. J'suis du sculpé l'artiste, on compte les risques par 10. Mais ils ne discutent que de moi et de mon air humble marine. Mes clients arrachent, traînent les vieilles qu'en but à casa. En échange de quelques grammes, monte en flèche comme la NASA. Les stupes tournent tous les mardis, informé par dit quoi? T'es pas content, vas-y bouffe tes sardines. Toutes les parties, les bonnes soirées seraient absentes. Sans le sang de tous ces absents, est-ce que tu le sens? Lorsque la rue peut se payer le luxe, c'est rare à long terme. Ghetto criminel qui engage une rue sombre sans lanterne. Au fait, frère, ton frère vient de périr de coco sale. Tes hommes colossales, comme Sosa, n'y feront rien au sort. N'y feront rien au sort, je reste tueur de mots. Tout ça trop de grosse pièce, sert. Sacrifice, mère, amère le quotidien. Juste plaisir, tiens en ville, en ville, dégoûtante, moi et mon carré. Nageur pour que t'apportes des faits quand les baisses en faire de plaie. Fais ce qui te plaît, man, rap, chaîne, guerre, me plaît, man, s'il te plaît. On se fout de ce que tu penses, sur mon place, toi ou lui, flic ou moi. On donne sans ressources, braqueur plus. La cam crée des fans, des grandes dames, pour une maman qui pleure. Au fait, d'où je viens, shoot star. Plaque criminel, dernier sentinelle, délinquant, juvénal, écoute le plaque. C'est l'histoire de mes stars de roue. Skill dangereux, à chacun ce jeu. De la vie de monde, c'est dangereux. Argent flingue, né, mort, train pour nous. Prends regard, la vie d'un enfoiré, c'est gars. Ouais. Pas un tueur de moi, moi chaque meurtre, j'ai un tueur de trop. Un humain de moins, une victime de plus. Un dealer en moins, une bavure de plus. Pour un connard en moins, un décimé de plus. C'est une maman qui pleure, c'est un offreur en moins. Un défunt de plus, un salaire qui monte, une médaille de plus. Et je fais de mon quotidien les cris, les drames, les larmes. Tout ça, ça fait le refrain de ma vie, le refrain de nos vies. J'ai plus qu'un refrain de plus sur mon répertoire. J'ai de faim, recèle ton revolver. Je reste un tueur de mots. Punch, punch, punch, punch, tu l'oses, mets ta parler. On vient pour compenser Valérie. Punch, punch, punch, punch, tu l'oses, mets ta parler. On vient pour compenser Valérie. Pas un tueur de moi, moi chaque meurtre, c'est un tueur de trop. Un humain de moins, une victime de plus. Un dealer en moins, une bavure de plus. Pour un connard en moins, un décimé de plus. C'est une maman qui pleure, c'est un offreur en moins. Un défunt de plus, un salaire qui monte, une médaille de plus. Et je fais de mon quotidien, les cris, les drames, les larmes. Tout ça, ça fait le refrain.